130 livres, chronique du 21 avril 2021, au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry. Entreprendre de chroniquer un classique présente le risque de trop vouloir s'en montrer à la hauteur, voire de s'y mesurer. Pas sur le plan de l'écriture, il faudrait être sacrément benêt, mais dans sa propre compréhension de l'œuvre. On s'efforcerait ainsi de cocher toutes les bonnes cases pour montrer qu'on aurait parfaitement cerné le bazar, collecté tous les indices semés par l'auteur et élucidé le moindre des mystères soumis à notre sagacité. L'affaire est doublement impossible lorsque l'on s'attelle à la recension de dessous du volcan, en dépit de l'effort de pédagogie excentrique consenti par l'écrivain dans sa préface. Cette dernière constitue en soi un morceau d'écriture bien particulier. Malcolm Lowry y livre quelques clés de compréhension du texte sous forme de réponse à l'un des éditeurs ayant exigé d'amples corrections avant de le publier. Dieu sait s'il reçut en nombre des requêtes approchantes. Malgré de tels éclaircissements, comme l'importance du nombre 12 dans la construction du roman, il renvoie à rien de moins que la cabale, il reste vain de prétendre démêler dans son intégralité l'entrelac complexe des métaphores et signes divers qui abondent au fil des 12 chapitres. La matière dense d'au-dessous du volcan est d'autant plus difficile à pénétrer qu'elle est indissociable de son sujet, très ancré dans l'art de son auteur et sa vie en général. Écrire enfin une authentique histoire d'ivrogne, comme il l'affirme en introduction. En tant que lecteur, on peut s'émerveiller de la réussite de son projet. Jamais l'ivresse ne fut mieux décrite du point de vue du pochard. Mais le sens profond du propos de Lowry et de l'errance de son protagoniste, lui, échappera au moins en partie à quiconque n'aura pas vécu leur exacte expérience, même ceux qui croient bien connaître la compagnie de l'Agnol dont je suis. Extrait. Préface. Ce roman peut être lu simplement comme une histoire au cours de laquelle vous pouvez sauter des passages si bon vous semble, mais dont vous retirerez davantage si vous ne sautez rien. Il peut être considéré comme une sorte de symphonie, d'opéra ou même de film de cow-boy. J'ai désiré en faire une musique haute, un poème, une chanson, une tragédie, une comédie, une farce et ainsi de suite. Il est superficiel, profond, distrayant, assommant selon les goûts. C'est une prophétie, un avertissement politique, un cryptogramme, un film loufoque, une absurdité, une phrase sur le mur. Il peut être considéré comme une sorte de machine. Il fonctionne, croyez-le bien, comme je l'ai découvert à mes dépens. Et pour le cas où vous penseriez que j'en ai fait n'importe quoi, sauf un roman, je vous répondrai qu'en fin de compte, c'est un véritable roman que j'ai eu l'intention d'écrire, et même un roman diablement sérieux. Sur une journée à peine, au-dessous du volcan, donne à contempler la damnation d'un homme. Geoffrey Firmin dit « le consul ». Le premier chapitre consiste en une avance rapide. Un réalisateur de cinéma français passera ses dernières heures dans la ville de Connaouac, hanté par le souvenir de celui qui fut son ami d'enfance. Il repensera au consul et à sa femme, Yvonne, dont il avait brièvement été l'amant avant que le couple ne se sépare. Jacques et Geoffrey s'étaient connus en Normandie, puis recroisés des décennies plus tard au Mexique, où le fonctionnaire anglais vivait une disgrâce, ivre de mescal et de culpabilité suite à ses agissements lors de la Grande Guerre. Au moment de boucler ses affaires, Jacques retrouvera une lettre de Geoffrey à Yvonne, dans laquelle il affirme croire encore à leur mariage. Pour le consul, le jour des morts de 1938 débute comme un lendemain de cuite ordinaire, quand bien même les rues de Connaouac sont en pleine effervescence, remplies d'une foule joyeuse et bigarrée. Ses souvenirs de la veille sont confus au possible et il retourne s'accouder au bar d'une cantina dès son ouverture. Précisément là où Yvonne, qu'il croyait perdue à jamais, savait qu'elle le trouverait. Bien qu'elle en veuille à Geoffrey de l'avoir laissé partir, la voici de retour, croyant toujours en un avenir à deux loin de la langueur et des cantinas du Mexique. Lors de leur rencontre, elle avait retrouvé dans le consul la figure de son père, inventeur brillant et investisseur malheureux, épris d'alcool. Yvonne est la dernière d'une lignée en pleine dégénérescence, ancienne enfant star d'Hollywood, endurcie par un premier divorce d'une grande précocité. Ce matin-là, elle n'est pas l'unique apparition à bousculer Geoffrey dans son hébétude éthylique. Extrait. Le camion s'était empli davantage. En plus du pelado et des vieilles femmes, on y trouvait des hommes dans leurs costumes des dimanches, pantalons blancs et chemises violettes, et une ou deux femmes, plus jeunes, en habit de deuil, qui se rendaient probablement au cimetière. Les volailles composaient un triste spectacle. Toutes s'étaient résignées à leur destin, poules, coqs et dindes dans leurs paniers ou encore libres. Ne frémissant que de temps à autre pour montrer qu'elles étaient en vie, elles gisaient passives sous les longs sièges, leurs ergots énergiques et grêles liés par des cordes. Deux poulettes, terrorisées et tremblantes, étaient couchées entre le frein à main et le changement de vitesse, leurs ailes mêlées au levier. Pauvres créatures, elles avaient, elles aussi, signé leur pacte de Munich. Une des dindes ressemblait même, remarquablement, à Neville Chamberlain. car son jeune demi-frère Hugh, reporter doublé d'un baroudeur canaille et faussement blasé, débarque du Texas en apportant avec lui le tumulte d'un monde au bord du chaos. La guerre d'Espagne est presque jouée et personne de sensé ne croirait au risible compromis munichois. Hugh chérit cette parenthèse auprès du consul, mais surtout d'une Yvonne qui ne le laisse pas indifférent, avant de repartir auprès des républicains catalans pour un combat déjà perdu. À 29 ans, Hugh constate qu'il a perdu la foi dans tout ce qui lui importait. Ses espoirs romantiques de compositeur et de marin au long cours, la possible défaite du capitalisme, le métier de journaliste, alimentaire et qu'il méprise. Après les diverses retrouvailles vécues en face à face, Yvonne, Hugh et le consul partent en virée pour suivre les festivités du jour des morts, un périple à la fois joyeux et maudit dans lequel l'alcool jouera le rôle central qu'on lui devine. Mémoire, espérance et vision morale du monde se confrontent au rythme des levées de coude. La narration de Lowry alterne les points de vue presque sobres des compagnons du consul et son regard à lui. Épouser celui-ci au fil des pages constitue une expérience impossible à oublier. Geoffrey n'est pas qu'un malade ordinaire, ni un homme désireux d'oublier ses fautes. La soif dévorante qui le tenaille semble moins la rançon de son passé que la marque d'une mécanique interne très particulière, un déterminisme physiologique de l'ivrognerie. Ses travaux sur l'alchimie illustrent d'ailleurs son souhait d'accéder à un stade supérieur de la conscience plutôt que de la perdre tout à fait. Extrait. Ils étaient l'un à côté de l'autre, debout et muets, et levant par-dessus leurs épaules déchiquetait la fumée des cigarettes. D'ici, la vallée semblait une mer, elle aussi, une mer au galop. Au-delà de la route de Thumaline, la contrée roulait et brisait en tous sens ses vagues barbares de dunes et de rocs. Au-dessus des contreforts aux pourtours hérissés de sapins comme de tessons de bouteilles armant un mur, une blanche ruée de nuages eût pu être le surplomb de lames déferlantes. Mais derrière les volcans même, il voyait maintenant s'amasser des nuées d'orage. Socotra, pensa-t-il, mon île mystérieuse de la mer des Indes, d'où venait d'habitude l'encens mâle et la myrrhe et où nul n'a jamais été. Il y avait quelque chose dans la sauvage puissance de ce paysage, jadis champ de bataille, qui semblait lui crier, présence née de cette force dont tout son être reconnaissait le cri comme familier, saisi et rejeté dans le vent. Quelques juvéniles mots de passe de courage et fierté, l'affirmation passionnée, pourtant presque toujours tellement hypocrite, de son âme peut-être, pensa-t-il, du désir d'être bon et faire le bien, ce qui était juste. C'était comme s'il regardait à présent par-delà l'étendue des plaines et par-delà les volcans jusqu'au vaste houle bleu de l'océan même, sentant toujours dans son cœur l'impatience sans borne, l'incommensurable languissement. Supérieur ou pas à celui du commun des mortels, c'est un état psychique bien particulier dans lequel le consul a ses habitudes. Hallucinations et voix dans sa tête se succèdent. Sa perception peut s'avérer d'une acuité rare, tandis que ses incohérences recèlent justement une cohérence redoutable. Sa lucidité altérée mais indéniable est empreinte d'un étrange lyrisme. Passé et présent se mêlent indistinctement dans ses réflexions muettes. Il erre dans cette ville à flanc de montagne dont la déclivité et le gouffre qui la traverse rappellent en permanence sa propre condition. La luxuriance de la végétation omniprésente, comme le charme désuet d'un bâti touristique opulent et à peine décati, l'enveloppe d'un cocon éminemment trompeur. Les figures oppressantes de deux volcans immenses semblent se déplacer dans le décor, plus ou moins proches selon les instants. Tous deux crachent des fumerolles. On ignore si leur humeur lointaine en émane vraiment ou si c'est celle de combats sporadiques livrés à quelques rebelles du cru. Elle se confond dans l'esprit de Hugh avec celle de la bataille de l'Èbre qui marque à 10 000 km de là la fin de l'espoir pour les ennemis de Franco. Plus que ses morts, Konawak paraît célébrer la fin des temps. Réelles ou fantasmées, les descriptions de l'environnement des personnages sont gorgées de détails, de sens et de symboles, que l'on parle de la nature, de la ville ou de la foule. Des scènes puissamment poétiques et évocatrices saisissent à la lecture, comme lorsque le consul s'aventure, sous et esselé, dans la nacelle à tour complet d'un manège forain. Tragiques histoires, passées et morts sous-jacentes du Mexique sont enchâssées dans chacune des pages. On mesure combien le pragmatisme de la moralité y prévaut sur un sens très occidental de la justice et comment s'y enlisent les sentiments, l'origine du drame qui déchire Yvonne et le consul. Extrait. Yvonne était assise, lisant à moitié son magazine, sa chemise de nuit un peu entr'ouverte montrant où son hâle chaud se fondait dans la blancheur de sa gorge, ses bras hors des couvertures et une main dos en l'air penchant nonchalante du poignet au rebord du lit. À son approche, elle tourna cette main paume en l'air en un geste involontaire, d'irritation peut-être, mais comme d'inconscient appel. C'était plus. Il semblait s'y résumer soudain toute la supplication ancienne, toute l'étrange pantomime secrète d'incommunicables tendresses et loyautés et d'espoirs éternels de leur mariage. Le consul sentit ses conduits lacrymaux fermenter. Mais il avait aussi ressenti un subit sentiment d'embarras singulier, un sentiment presque d'inconvenance que lui, un étranger, se trouva dans sa chambre à elle. Cette chambre. Il gagna la porte et regarda dehors. La bouteille de whisky y était toujours. Mais il ne fit pas un mouvement vers elle, pas le moindre, si ce n'est de mettre ses lunettes noires. Plus que tout, au-dessous du volcan est à nul doute l'histoire d'un amour condamné, toujours bien présent et puissant à l'extrême, mais qu'aucun des deux intéressés ne comprend plus vraiment. Le consul sut très tôt qu'elle était trop belle pour qu'il ne la perde pas. Yvonne, elle, ne serait empilée à perpétuité les concessions à son alcoolisme pire qu'envahissant. Il voudrait lui être aussi fidèle qu'il l'est à la boisson. Bouleversant entre tous, un moment dit tout de la catastrophe intime. Ce repas où le consul, déconnecté de la discussion par le mescal, contemple le dialogue plein de séduction entre Yvonne et son frère et y saisit tout ce qu'ils ont perdu. La suite ne pourra qu'être une chute, douloureuse et fatale, jusqu'à l'une des phrases de fin les plus impitoyables jamais écrites. Nul besoin d'essayer de se montrer à la hauteur d'au-dessous du volcan, voire de s'y mesurer. L'important est de répéter qu'il doit être lu.